Cette drôle de vie, cette vie qu'on mène, c'est pas le paradis, ni la bohème. Faut être le plus fort, sinon tu crèves. Pas perdre le nord, oublier ses rêves. Être le plus beau, prouver que tu existes, être au-dessus du lot. Il te faut bien sûr avoir plus que les autres, la plus belle voiture du Bimbingagogo. Attention, tu craques, tu pètes un câble, de plus en plus patraque, la pression t'accable, et tout est fini, à trop vouloir jouer, briser toute sa vie, peut pas toujours gagner.